Yo! Catastrophe! Snisp Slash! Prêt à briser des mics! Yeah! Ceux qui ont percé en ce moment savent pas vraiment rapper, c'est honteux! Nous on fait ce qu'on peut pour éliminer les pompeux! Les apparences comme des macs, faut pas se fier, c'est trompeux! Trop peu d'MC, ça a vraiment rimé, fait que je prie le bon Dieu! Mais y'a rien à faire, les insectes passent en premier! Ils se font renier, après quelques années, oubliés au grenier! Puis la même histoire se répète depuis trop longtemps! Les débutants tombent plus casse et j'en suis trop content! Là, c'est la nouvelle vague, MC d'ici, esti. Le rego qui était jadis énorme, de l'aujourd'hui, c'est petit. Qu'est-ce que tu veux? À star à coup de micro, je blesse que je peux. Je fais du dommage, c'est juste parce que j'en vaux presque deux. Mes textes de Dieu, l'enfer blesse les cieux. Flex les vieux, je te pète les oreilles, mais je te laisse tes yeux. Profites-en donc pour les mes textes. Mes écrits défient les limites qui ont été établies. J'éclipse tout avec mes paroles, même le soleil s'évanouit. J'épanouis les horizons du hip-hop francophone. Je laisse toujours les gens abasourdis quand je prends le microphone. Je coupe les jambes, ceux qui courent après le succès. Pour pouvoir se permettre plus de luxe dans leur budget. Ils vont attendre la nouvelle vague comme des surfeurs compulsifs. Je ferai les incompétents comme des gens font du vif. Catastrophe, la nouvelle vague. Non, on passe par-dessus les wack MC. On est parvenu au paradis du lyricisme. On est les grands menus des appétits. Pour le vrai talent, on met de l'avant des rimes et des lyriques et des faits frappants qui font réfléchir. C'est épatant, comment que le nouveau rap va déraider. Bien vrai dire, j'espère que le rap de bullshit va dépérir. Les motherfucking fake qui se pensent sick peuvent m'ôter guérir, mais le pain. C'est les rimeurs de cash pis d'as qui pensent pas 30 secondes aux mots qui sortent. Les pauvres ils se forcent à rimer potes avec hot. Pas capable de servir, cerveau qui porte. J'suis tellement tanné d'entendre parler de la vie de la rue que je vois juste dans d'autres places. C'est une avenue, voulez mon avis du menu. Venez me voir quand j'ai des afflux. Écoutez le bruit de mon cul. Et tant que les choses changent, on se mène pis t'es fasciné. On sort des paroles que t'as même pas pris la peine à t'imaginer. On brûle les poches comme si la graine était calcinée. T'es attiré par mes lignes de gravité, des rimes de qualité. J'suis défié seulement par ceux qui aiment être lapidés. En gros, MC qui perce doit combiner l'habileté de cracher pis écrire. Pis s'il se fait une place, faut qu'il aille mériter. Y'a toutes les autres, vous êtes des petites vagues, des petites slots, des PD. Vous avez pas rimé. Vous enculez vos pères pendant que je chante vos mères. Yo, peace. Whack, I'm out.